Chapitre 8. Les papillons blancs. Norette! Norette! Criaient de sang creux d'ancien caboteur Monsieur Honorat, debout au pied de la tour. Norette! Mais Norette ne répondait point. Ah, vous pouvez bien l'appeler jusqu'à demain! Interrompit une voix irritée. Mademoiselle a quitté le four, me laissant seule, avec tout le souci, aussitôt la fougasse faite. Maintenant, mademoiselle est sous les toits, à son grainage. Et quand mademoiselle est à son grainage, le Père éternel pourrait tonner qu'elle ne se dérangerait pas. La personne, qui sans être priée, se mêlait ainsi à la conversation, suivant le patriarcal usage de Provence, était une grande femme, maigre et sèche, en qui tout de suite, et même avant que M. Honorat lui eût dit « Posez donc vos pains pour vous fâcher plus à l'aise, Saladine !» J'avais deviné la gouvernante du château des Casans, aussi dévouée que tyrannique. Sur sa tête, classiquement couronnée du petit coussin rond des cariatides, elle portait en équilibre une large planche couverte de pain fumant et tenait sous le bras, dans une serviette, un de ces gâteaux minces faits avec la pâte à pain que les ménagères étalent, la picotant du bout des doigts et l'arrosant d'huile devant la gueule ouverte du four. « Voilà !» soupirait Monsieur Honorat. « Voilà ce qu'il nous aurait fallu tout à l'heure pour faire passer le muscat. On y pensera une autre fois. Goûtons-y tout de même, en attendant. » Je rompis un angle et déclarai, sans avoir besoin de mentir, la fougasse délicieuse. Monsieur Honorat, lui, ne se prononçait pas. « On y a peut-être épargné l'huile. » Mot imprudent qui aussitôt redéchaîna les fureurs de Saladine. « Épargner l'huile, vous pouvez dire. La bouteille entière y a passé, une bouteille d'huile vierge dont chaque goutte vaut son pesant d'or. Seulement, nous avons trouvé là 5 ou 6 femmes qui cuisaient. Et mademoiselle Norette, comme toujours, a voulu arroser leur fougasse. » C'est un gaspillage, un massacre. Si la pauvre madame Gazan vivait. Monsieur Honorat m'avait pris par le bras. Je connais Saladine. Elle en a encore pour une bonne petite heure à tempêter. Sauvons-nous sous les toits. Vous verrez grainer. C'est intéressant. Un escalier noir, un palier noir, puis une porte qui s'ouvre, et dans le carré clair de la porte, un fourmillement d'argent et d'or. « Mademoiselle Gazan, l'amie du patron Ruff !» Instinctivement, je salue. Et la première surprise des yeux passés, je regarde autour de moi et me rends compte. Nous sommes au grenier. Un grenier où, de toutes parts, le soleil entre comme chez lui. L'or, c'est des chapelets de cocons suspendus à des barres transversales et si serrés qu'ils forment tenture. L'argent, des papillons blancs accrochés le long des cocons. Prudemment, baissant la tête pour ne rien heurter, nous pénétrons dans le sanctuaire à la suite de mademoiselle Norette et de Gantôme, qui, depuis hier, s'est constitué son page. Monsieur Honorat me raconte que mademoiselle Norette, la soie étant à vil prix, et la graine, au contraire, se vendant très cher, a eu l'idée de faire exclusivement du grainage. Elle y réussit depuis 2 ans. L'argent qu'elle gagne est pour elle. De tout temps, dans les familles de bonne bourgeoisie, l'élevage du ver à soie a été considéré comme une occupation noble, à laquelle on peut se livrer sans déchoir. La graine du puget mort est recherchée, car on ne fabrique pas de bonnes graines partout. C'est un travail d'attention et de conscience. Il faut trier les cocons avec grand soin. il faut examiner au microscope, suivant la méthode Pasteur, les papillons douteux ou malades. Et le voilà qui m'explique tout en détail les cocons de choix mis en chapelet. Il dit « filane » délicatement l'aiguille dans la bourre sans qu'elle offense le cocon. Les papillons qui sortent, mâles et femelles, la femelle immobile attendant, le mâle frissonnant du corps et des ailes. Comme quoi les uns s'accouplent d'eux-mêmes, comme quoi il faut marier les autres, et après cela, les démarier, noyant les mâles inutiles désormais, tandis que les femelles, sur un cadre garni de toile, pondent leurs œufs. La graine, pareille à un semis serré de petites perles incolores d'abord, puis jaune paille, puis violette, puis gris de plomb. D'autres ont des procédés compliqués, des sacs en mousseline, des casiers où chaque cocon est isolé. Lui s'en tient au procédé simple. Mais je ne l'écoute que vaguement. Je regarde Mademoiselle Norette. Brune, frêle, presque une enfant, sauf la précocité orientale du corsage. Mademoiselle Norette qui s'est remise au travail et, souriante, sans penser à mal, avec une ingénue chasteté, une cruauté ingénue de ses fins doigts ambrés, marie et démarie les papillons femelles dont, visiblement, le cœur s'ouvre, les mâles, tout vibrant, d'une palpitation de désir.